8h39, c'est le temps de parler des vraies affaires. Oh yes. Bon, on s'arrange avec le hockey qu'on a, hein. Ce soir, dans l'Anse et Compte, série 29, on fait un gros plat avec le fait que le joueur de hockey interprété par Dave Morissette, le souriant Dave Morissette, « Ah, Dave, de quoi on parle ce soir à TVA Sport, Arga? » Là-dedans, il joue un joueur qui s'appelle Philippe Lalumière. Et ce soir, à l'Anse et Compte, Philippe Lalumière fait son coming out. Il est gay. Ça a l'air d'être encore un sujet inconfortable, ça, dans le monde du sport, l'homosexualité. Vraiment? Hein? Sérieux? Très. Moi, je pense que oui. Très. Très inconfortable. Plusieurs exemples le prouvent. D'ailleurs, les gays les plus célèbres du sport demeurent des femmes. C'est vrai. Les joueuses de soccer, puis les joueuses de tennis. Martina Navratilova, peut-être la plus glorieuse de toutes, dominé le sport pendant quoi, une vingtaine d'années. Cheryl Swoops, WNBA, la Jordan féminine. Elle est là depuis 97. La fille a vraiment des skills. Petite fille de 6 pieds, mais c'est Gwyneth Paltrow. OK, mais moi, te poser une question. Ça se peut-tu qu'il y ait plus d'homosexuels dans le sport féminin que dans le sport masculin? Assurément. C'est ça l'affaire. Assurément. Pourquoi? Mais... il y a une plus grande aisance à le dire dans le sport féminin. Mais je pense aussi qu'il y en a plus aussi. Pourquoi tu penses ça? Regarde les chiffres, je suis convaincu. Ça dépend du sport. Je pense, regarde, je me ferai peut-être pas d'amis, puis j'ai pas les chiffres précis, je pose la question. Est-ce qu'il y a plus de lesbiennes dans le hockey féminin que d'homosexuels dans le hockey masculin? Je pose la question. Je vois pas pourquoi il y en aurait plus. Pose la question, je me le demande. Tu penses qu'il y en a, c'est égal? Selon le sport, ça dépend. Ouais, selon le sport, ça dépend. Peut-être qu'au look, c'est effectivement plus évident. Mais j'ai l'impression qu'il y a bien des gars, des sportifs qui sont gays, tu t'en rendras jamais compte de ta vie. Mais à base, il est où le malaise, Vince? C'est-tu un malaise que tu prends ta douche avec les autres gars dans le vestiaire? C'est-tu un malaise où on mêle le mot momoun avec le mot homosexuel? Pis tu veux pas te faire traiter de momoun parce que t'es homosexuel? Mais les gars, tu veux pas faire un sport de football si t'es momoun? Puis tout ce raisonnement-là, un peu niaiseux, là. Les gars resteront des gars. Straight ou homosexuel. Puis la fierté orgueilleuse du sport de contact, elle est véridique. Ça passe à travers du coaching, de la gestion, évidemment, des soirées de boys, de tout ça. L'environnement masculin du sport professionnel, en tout cas en Amérique du Nord, me laisse croire par le peu de coming out qu'on a eu dans les 40 dernières années, que c'est très difficile de sortir du garde-robe. Mais t'en as fait plus que nous autres du vestiaire de sport. Le problème, à la base, y es-tu dans le vestiaire? Y es-tu sur le terrain? Y es-tu dans les sorties de boys? D'après toi, là, qu'est-ce qui empêche un gars, mettons, qui joue dans la Ligue nationale de hockey de le dire, moi, je suis gay puis je joue au hockey? Parce que tu vas tout le temps entendre parler. Tu vas devenir le porte-étendard, puis je pense qu'il a le problème. Celui qui va le faire, là, au vu et au-dessus de tous, va devenir le porte-étendard affiché. Ça va être le gars qu'on va consulter tout le temps. Puis je pense que ces gens-là veulent leur vie privée, puis ça leur tente. Ça se peut-tu qu'il n'y ait pas tant que ça des gays aussi dans le sport? Ça se peut-tu? Regarde, juste au hockey. Au hockey de la Ligue nationale, donnez-moi-en un qui est sorti du garde-robe. Y en a-tu? Philippe Lalumière, ça va être une première ce soir. Il joue les Blues, le Mike Danton. Il n'y a pas eu le choix. C'est pas juste gay. C'est un coming out, ça? Mike Richter l'a jamais dit qu'il était gay. Non. Il l'a jamais vraiment confirmé. Mais pourquoi on pense tout qu'il est gay? Il n'y a pas le droit, là. Même après la carrière d'un joueur, il n'y a jamais personne qui l'a dit dans la Ligue nationale de hockey. Pendant, encore moins, mais après, c'est jamais arrivé. Tu compares aux autres sports, même pas, non. Non? Personne. T'as peu. Même pas, il est jamais sorti. Lui, Wendell, regarde, on va le nommer, il y a eu des rumeurs. Wendell Clark, il est marié, là. Il est marié, ce gars-là, Il n'a jamais fait de coming out. Moi, c'est un nom que j'entends depuis ma tendre enfance, Wendell Clark était homosexuel. Hey, Mike Richter. L'alibi du mariage, il me sacrait ça au vidange, Ça marche pas. C'est pas un vrai alibi. La belle petite famille, le cadre, la photo chez Sears, lâchez-moi ça. c'est pas un alibi, c'est ni une preuve, là. On va se parler pour se comprendre, on est en 2012. Ouais. Il y en a des gays dans le sport, puis du côté masculin, ils sortent pas. Il y en a pas dans le soccer, regarde, MLS. Il y en a dans le soccer, Jérôme, veux-tu? Ils ont mis des millions de dollars sur la table, la PFA. C'est l'association des pros du football en Europe. Des millions sur la table, quelqu'un se lève qui les représente. Il n'y en a pas un qui est allé. Si Cristiano Ronaldo vient me voir, puis il me dit, Vince, je suis gay, je tomberai pas en bas de ma chaise. tu sais, des grandes vedettes qui pourraient l'être homosexuelles. On s'entend qu'il y a un paquet d'efféminés là-dedans. Là. Si il y en a rien qu'un qui serait capable de sortir pour représenter ces gens-là, mais, je me dirais que c'est facile de sortir, mais c'est pas le cas. On peut-tu sortir de la rectitude politique et se dire que ça se peut que dans le vestiaire du Canadien, il n'y en ait pas un gay aussi? On dirait qu'on voudrait qu'il y en ait un et qu'il fasse son coming out. Ouais. Ça se peut-tu qu'il n'y en ait pas un maudit dans le vestiaire du Canadien qui soit homosexuel? Ça se peut très bien. Ça se peut qu'il y en ait deux dans une autre équipe. On est capable de vivre avec ça aussi, ouais, mais ça se peut-tu qu'il n'y en ait pas tant que ça? Mais, tu sais, j'essaie de comprendre ta théorie qu'il n'y a pas de gay dans le sport, là. Excuse-moi, j'embarque pas par là. Je pose la question. C'est parce qu'on dirait qu'on voudrait qu'il y en ait. Fais ton coming out, ouais, mais ça se peut-tu que le hockey, dans le hockey, il n'y en ait pas tant que ça des gays? Ça se peut-tu qu'il y en ait plus dans le hockey féminin que dans le hockey masculin? Dans le hockey professionnel. Question? Le hockey professionnel, c'est ça dont t'es question présentement. Ouais. Ouais. Parce que moi, tu sais, dans le sport amateur, on est coaché des jeunes homosexuels. Ouais. Même à un âge qu'ils ne savaient pas encore, à 12, 13 ans. Ouais. Puis c'est ça. N'as-tu qui sont venus te voir? T'es le coach? Ben oui, n'as-tu qui sont venus te voir et qui te l'ont dit, écoute, je viens avec ça, là. Les gars, je pense que j'aime les gars, je fais quoi? Les gars viennent autant me voir pour leur protection de passe que pour leur vie de tous les jours, c'est un peu ça des coachs aussi, là. Oui. Puis ton coach, tu te laisses comme plus aller avec lui qu'avec tes propres parents, pour bien des raisons. Ben, je pense qu'à l'adolescence, tes parents t'essayent de tirer une distance, veut pas, puis effectivement, tu t'en vas peut-être vers d'autres adultes pour parler de ça. Mais toi, tu réagis comment un jeune arrive dans le vestiaire pis te dit ça? Ça change-tu quelque chose pour toi, jour au lendemain? Moi, je veux tout de suite qu'on en rie ensemble. Okay. Qu'on apprécie le moment. Mm. Qu'on apprécie le fait qu'il y ait assez de couilles envers et contre les préjugés pour le dire. Pour s'assumer. Ouais. Pour bien des choses dans la vie, notamment son statut, sa préférence sexuelle, ça va y servir de faire ça. Je pense que oui. Le plus vite tu t'assumes dans la vie, le mieux tu vas être. Le plus confortable tu vas être avec toi. Et faire un coming out rendu à 42 ans avec deux enfants et une femme, ça doit être d'autrement plus difficile qu'un gars qui le fait à son coach de football à 13-14 ans. Mais le plus célèbre des joueurs professionnels avoués, je pense, c'est John Amechie. Un joueur de la NBA qui a fini en 2004 avec les Knicks et qui est sorti du garde-robe en 2007. C'est un gars de 6 pieds et 10, 270 livres. C'est un Britannique recruté pour l'Université St. John's. Okay. Belle carrière dans la NBA. Derniers Olympiques, était analyste à NBC pour le tournoi de basketball olympique. Hyper respecté. Ça leur nuit pas dans leur après-carrière. Je pense que ça les aide. 4 gars de la NFL seulement sont sortis après leur carrière. Lesquels? Enfin, aucun. Qu'ils regrettent de pas l'avoir fait avant. C'est ça. Wade Davis, Dave Copé, le porteur de ballon, il est rendu à 70 ans, Copé. Roy Simmons, puis Essera Tuolo, le lineman des Vikings, ça c'est le plus récent. C'est un Hawaiian. Il l'a fait tout de suite après être sorti de la NFL, mais ils le font jamais pendant qu'ils sont actifs. Mais comme on voudrait donc qu'il y ait autant de gays dans la NFL qu'au patinage artistique, hein, comme société bien pensante. Non, des Johnny Weir, il y en a plus au patinage artistique qu'il y en a dans la NFL. On peut se le dire, ça, des fois, là, que ça se peut qu'il y en ait peut-être moins que dans d'autres sports. J'embarque pas là-dedans. Moi, j'ai toujours pensé. Il y a autant de gays dans le hockey que dans le patinage artistique. Je te dirais qu'il y en a plus parce qu'il y a plus de joueurs de hockey que de patineurs artistiques. En proportion, là. Ben oui. En proportion, c'est pareil? Égal. Égal. Okay. Oui. Patinage artistique, plus... football, égal. Oui, convaincu. En proportion. Je prends ta réponse. Je suis pas sûr. En proportion, je suis pas sûr. Moi, je suis convaincu que oui. Mais je pense pas que c'est de sport aussi. Je pense qu'on mélange encore les mots momoun et homosexuel. Non, parlons d'homosexualité. Je te pose la question. Ouais. En proportion, est-ce qu'il y a autant de gays dans le patinage artistique que dans le football ou le hockey professionnel? Si tu me poses la question à moi, moi je te réponds tu oui. Tu réponds oui. Convaincu que oui. Moi je réponds, je suis en train d'y penser. Mais tu sais, j'ai tendance à penser comme Vince. On a le droit de pas être d'accord, là. Mais moi j'ai l'impression que oui, il y a des joueurs qui sont inconfortables à sortir, comme il y a du monde en général. Qui nous côtoient à tous les jours, que ce soit au bureau, vous autres, ici, à la job, ou n'importe où ailleurs, qui décident juste que c'est pas de nos maudites affaires. Ben, regarde, c'est ce que j'allais t'amener. Moi, si j'apprends demain matin qu'il y a 15 joueurs des Patriots qui sont gays, je m'en balance totalement. Ça change rien à ta vie, ça change rien à ton équipe. J'en ai rien à foutre. C'est la dernière affaire qui m'intéresse. Tom Brady fait son coming out, là. Je m'en balance totalement. Tu gardes-tu tes chandails? À base, je garde mes chandails. M'en sais-tu qui saute des gars ou des filles? On a-tu rien à foutre? C'est sa vie privée. Mais je suis juste que, des fois, j'ai l'impression qu'on cherche à prouver qu'il y a autant de gays dans l'hockey que dans le patinage. Je vais te dire ce qu'on essaye de faire. C'est que, dans la communauté gay, t'as des gens qui veulent que tout le monde sorte. Des maudits fatigants, des maudites fatigantes, qui aimeraient donc ça qu'un joueur de hockey sorte. Parce qu'il aimerait ça avoir un porte-parole qui fait partie de notre sport national. Mais ça, là, c'est pas une bonne raison pour faire son coming out. Mais il essaie aussi de montrer qu'il y en a autant que dans tous les sports. Puis c'est pas vrai qu'il y a plus de lesbiennes au hockey féminin qu'au hockey masculin. Il essaie de nous montrer ça aussi. T'sais. Mais ce vouloir les sortir à tout prix puis qu'ils servent justement d'exemple, je pense que ça fait partie du problème. Je pense que quelqu'un, en 2012, a pas à devenir le porte-parole officiel. Quelqu'un peut vivre sa vie d'homosexuel au grand public sans avoir à donner des entrevues là-dessus, sans avoir à sortir puis à dire « Hey, c'est correct, peu importe votre domaine, comme, vous pouvez le dire. » Comme quelqu'un dans le showbiz peut avoir une blonde puis dire « Hey, fuck, moi, je me mets pas en une du 7 jours. » C'est exactement ça. Moi. Mais le showbiz, là, tu vois, au début, quand les gens faisaient leur coming out, ça faisait la une du Time Magazine puis c'était super gros. Anderson Cooper a fait son coming out il y a quelques mois, là. On n'en parle plus, on s'en contrefou parce qu'on a arrêté de se trouver des espèces de modèles. Mais là, on dirait que le sport, là, il faut trouver les gros noms qui vont aider les autres à faire leur coming out. Puis je suis persuadée qu'il y en a plein qui se disent non, oui, ça sera pas moi, cette personne-là. Une autre chose qui aide pas, c'est le sport d'équipe. Tu sais, dans le sport individuel, c'est plus facile. Peut-être. Je pense à Greg Louganis, Mark Tewksbury, tu sais. Des bons sportifs amateurs, tu sais, qui ont des médaillés. T'sais. C'est plus facile, tu sais. Tu représentes ta cause toi-même. Tu as ton entraîneur qui te back, mais tu respectes pas le logo du Canadien. Tu représentes pas tes coéquipiers, tu représentes que toi-même. Mm-hmm. Puis ta vie d'athlète, oui, tu es une équipe olympique pis tout, mais tu gères plus de façon individuelle comme ta carrière de sport. Je pense que c'est plus facile dans un sport individuel. C'est parce que dans un sport de groupe, tu te promènes en groupe, tu manges en groupe, tu dors en groupe, tu couches en groupe, tu t'entraînes en groupe, tu prends l'avion en groupe, tu prends l'autobus en groupe, puis c'est comme une classe. Tu sais, une classe au secondaire, un moment donné, tu te dis, ben, c'est pas pire, l'année prochaine, je change de classe puis ça va être d'autres mondes. Sauf que ton équipe de hockey, ton équipe de baseball, ton équipe de football, ça se peut qu'ils soient avec toi depuis un bout. Fait que je peux comprendre quelqu'un qui dit, moi, j'ai peur du jugement du monde directement autour de moi parce que je fais tout avec eux autres. Je suis fourré, là. Demain matin, s'il y en a trois qui décident qu'un homosexuel dans l'équipe, ça passe pas. Même si on tord, moi, je veux pas vivre avec ça. On a-tu encore le droit de faire de la radio, de dire des fois des opinions en radio? On a-tu le droit? Oui. Parce que, c'est-tu masculin, ça aussi, de dire on vit en gang? Y a-tu des traits masculins dans ça? On peut-tu encore se dire les vraies affaires? Tu veux dire? En 2012. Est-ce que c'est un comportement, faudrait demander à un psychiatre, c'est-tu un comportement qui est plus masculin, ça, la vie de gang? En gang, on voyage, puis on se gratte la poche, puis on prend une bière, puis on tripe ensemble. Mais le principe de gang, c'est très gars, là. C'est très gars. On est bien en boys, là, ça, c'est sûr et certain. T'es bien avec ta gang de chums. Ouais. Avant... on va se faire des soupers, mais on n'aura pas le trip d'être tout le temps ensemble, tout le temps. J'en ai, moi, des homosexuels dans ma gang de chums, puis ça m'empêche pas de me gratter la poche puis de prendre une bière avec eux autres. Non, quand on peut-tu encore parler, discuter au Québec de ces affaires-là? Ouais. Ce qui est masculin, ce qui est moins masculin, ce qui est plus féminin. Mais la vie homosexuelle de tous les jours que l'on vit et la vie homosexuelle dans le sport d'équipe professionnelle. Mm-hmm. Hey, c'est deux affaires totalement différentes. Ah, c'est deux gangs, là. C'est deux. Regarde ici, à Laval, là, très près de chez vous, super campus. Il y a des coachs, là, depuis plus de 20 ans. Mm-hmm. C'est des homosexuels avoués. Personne n'en fait plus. C'est ça. Même dans le recrutement des joueurs et des joueuses. C'est su. Ça dérange qui? Personne. Balance, là. Mais, je pense que ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si tu sors parce que t'as des pressions d'un porte-parole des homosexuels qui te poussent pis qui te disent, ah ouais, sors, tu le fais pas pour les bonnes raisons. T'as une décision individuelle, ça. Tu vis ta vie sexuelle comment? T'en parles-tu aux autres? Tu gardes ça chez vous? Tu fais-tu un statement à chaque fois que tu dis quelque chose? T'en fais-tu ton salaire pis tu t'inventes une cause? Tu sais, tu peux faire plein de choses avec ça, là. Mais ça appartient à l'individu, ça appartient pas à la collectivité. Si quelqu'un veut vivre son homosexualité dans le privé le temps qu'il joue dans la NFL ou dans la Ligue nationale de hockey, Chris, on peut-tu le laisser aller? Ben oui, laissez-le faire. Hein? On s'en fout. Totalement. Tu sais, peux-tu le dire? Puis on s'en fout pas. On s'en fout pas parce qu'on est homophobe, comme du monde ont essayé de nous faire dire à un moment donné. On s'en fout parce qu'on s'en fout. Que Gravel couche avec une fille, un rhinocéros, ça ben un gars. On s'en crie. Il n'y a pas de raison. Sérieux, ça m'intéresse pas de savoir avec qui tu couches. Le joueur de ligne des pattes, ça m'en sac avec qui tu couches aussi. Je m'en fous totalement. Aurait de la misère. Totalement. Rhinocéros, par exemple. Oui. Ouais, d'en trouver, là. Site de rencontre, n'a pas des tonnes. Mais tu sais, ça serait le fun que dans le sport, ils puissent faire leur coming out à leur coéquipier sans que nécessairement ça devienne la une d'un bulletin de nouvelles d'un magasin. C'est pas de nos affaires non plus. C'est ça. Ben, c'est ça que je te dis. S'il veut le faire, il le fait. S'il veut pas le faire, il le fait beau. Si quand il invite ses amis chez eux, il veut le faire avec son chum, là, j'ai pas le goût que ça fasse la une d'un magazine. Moi, j'étais coéquipier d'un vestiaire de sport d'un homosexuel puis qui me faisait son coming out, je disais, ouais, ok, mais encore. As-tu d'autres choses? On parle-tu d'autres choses? Ouais, pis. Ouais. Je te pose la question. Il se fait gérer dans le coin de bande, ça relève pas. Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, pis y en a qui vont dire t'es une momone. Y en a qui vont faire oui, mais encore là, c'est pas la même chose. Tu sais, dans le fond, ça a plus ou moins à voir avec l'orientation sexuelle. Mais ça n'a rien à voir. C'est ça. Mais quand on est assis puis qu'on traite un gars de fif dans, regarde, mettons qu'on est assis le dimanche, on écoute le foot, là, il y a un gars qui se fait plaquer, se fait ramasser. Maudit fif! Ça, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Dans le fond, ça n'a rien à voir avec ça. Là. Mais ça, tu sais, on joue sur la confusion, mais si on se dit les vraies choses ce matin, t'as parfaitement raison. Quand on parle de moumoune, quand on parle de fif, on parle de comportements qui n'ont rien à voir avec l'orientation sexuelle ou l'homosexualité. Mais parce qu'on a joué là-dessus, puis je pense que des porte-paroles homosexuels ont joué là-dessus aussi. Là, tu fais attention à tout ce que tu dis, puis t'es pas sûr, puis t'entretiens en confusion. Puis ça aide sûrement pas, mettons, un jeune joueur de la Ligue nationale de hockey qui aurait le goût de faire son coming out à le faire là, du jour au lendemain. Moi, j'en connais pas un. Pendant sa carrière de la Ligue nationale ou après sa carrière qui est sorti du garde-robe pour dire « je suis homosexuel ». Il doit avoir des raisons un peu traumatisantes pour ça. Je dis pas que les gens ont raison de le faire, mais je te jure, si y a un gars qui déclare, mettons un pingouin de Pittsburgh, qu'il est homosexuel, il va se faire traiter de tapette plusieurs fois par match. Et ça va devenir le centre de sa vie. Peut-être. Se le faire rappeler par tout le monde. Comme tu te fais traiter de tu sais, je me souviens à un moment donné ici là, il y avait un joueur du Radio X ou d'une autre équipe de la Ligue semi-pro qui s'était pogné une fille qui faisait du porn, puis les gars avaient trouvé les images, puis ils avaient collé ça sur le banc, puis tu sais, c'est gamin là l'univers du sport aussi. Tu trouves de quoi te croche? Penses-tu qu'Arod il se fait pas écœurer quand il croise du monde dans les estrades au Yankee Stadium? C'est une question d'orientation sexuelle. C'est ça, tu sais, tu vas prendre le petit trait qui dépasse, puis tu vas faire ça dessus comme un malade. Arod, c'est la le page frontispice des journaux new-yorkais qui l'écœurent. Et ça va jusque là. Page six tout le temps. Mais vois-tu la grand-mère dans la ligue de hockey de filles, ils ont pas de problème. Ça a l'air qu'il y aurait 5 couples là-dedans. Là. Ah ouais? Ouais, ils ont pas de trouble. Puis c'est bravo de s'assurer. Chez les Montreal Stars, une équipe de hockey professionnelle, les filles jouent du hockey en sacrement. Sarah Vaillancourt, ça a fait son coming out. Ouais. Ça dérange qui? Elle a quand même fait 9 points au tournoi olympique, puis on a gagné l'or à cause d'elle aussi. Mais Dave, il va le faire à soir. Dave, c'est un vrai. Ouais, c'est ça. Mais c'est dans son rôle à lancer compte que Dave Morissette va faire. On voudrait donc qu'il n'ait un vrai. Faire taire les prix. Ah non, Jérôme, arrête-toi. On voudrait là. Donc montrer qu'il y en a autant qu'au patinage artistique. On voudrait donc. Non, on voudrait c'est donc sûr que non. Dans le ratio, c'est sûr que non. Je commence à penser que c'est pas mal. Je vais afficher ouvertement mon désaccord. Je suis convaincu qu'il y en a autant au ratio. Convaincu. Ratio est pareil. Hockey, patinage artistique, t'es sérieux? Là? Peut-être même plus. Au hockey qu'au patinage artistique, en ratio, en proportion, t'es sérieux? Ben oui. Autant au hockey masculin qu'au hockey féminin, sérieux? Pas mal sûr. Ouais. Ouais. Si on dit que ça change rien, on s'en sac. Genre 5 coupes sur une équipe de 20, là, puis tout ça, là. Ben là, 5 coupes, là. C'est parce que l'élite de la Ligue... C'est tellement plus facile d'évoluer dans ton homosexualité en faisant du patinage artistique. Mais je pense que même si le gars avait des skills au hockey, peut-être qu'il deviendrait patineur artistique parce qu'il est bon patineur. Ben, à un moment donné, là, c'est ton identité, c'est ton... C'est ce que t'es homosexuel. Faut que tu vives bien là-dedans toi-même. L'homosexuel va avoir peut-être une vie plus normale et enrichissante, puis il va se sentir plus respecté dans certains sports plutôt. Ah, je suis pas d'accord avec vous autres. Il malheureusement, va moins ça dépend de la personnalité. Pas d'accord, En plein ça. Mais tu sais, on peut être politiquement correct puis dire, oh non, il y en a autant partout, là, puis Jérôme, c'est pareil. Mais Jérôme, j'ai-tu le droit de te dire ce que je pense? Ouais, mais je suis pas d'accord avec ça. Ouais, t'es pas d'accord? On l'a vu. On le sait, on le comprend, mais ça se peut-tu que moi je le dise parce que je le pense aussi, puis pas parce que je veux être politiquement correct? Mais non, mais t'as le droit, là. T'as le droit. Pense-le. Moi, je le pense pas. Bon. Puis, parfait, pense-le. Je t'aime pareil, Denis. Mais non, mais c'est parce que là, tu sous-entends que je dis quelque chose pour bien paraître. Ah, c'est pas moi, là. Ben non, c'est arrête, Denis, là. Choque-toi pas après moi. Ben là, je vais me choquer. Je suis pas choqué après toi. Si là, tu penses que parce qu'on n'est pas d'accord, c'est parce que je veux être politiquement correct, hey, c'est pas l'avocat pis le diable, ici, là. C'est pas pour ou contre. Pour ou contre. Voyons donc. Non, mais c'est parce que Denis, c'est de plus en plus difficile de dire ce qu'on pense en radio. Oui. Puis j'ai tout le temps peur qu'on tombe dans rectitude politique. Je me suis souvent fait virer dans mes shorts au niveau de mes préjugés relatifs à l'homosexualité. À un point où, oui, je suis convaincu qu'en 2012, le ratio, que ce soit des employés du gouvernement, des joueurs de hockey, des joueuses de ringuettes, des patineurs artistiques, des danseurs de ballet, j'ai l'impression que la proportion d'homosexualité est à peu près la même partout. Okay. C'est un reflet de la société. Où que tu sois, t'es dans une société. Fait que t'as le même pourcentage de psychopathes, le même pourcentage de gens qui collectionnent les timbres, le même... Regarde ici, là. En radio, pas mieux qu'ailleurs. En radio, on a plus de bizarres que dans d'autres jobs. On est plus bizarres que dans d'autres jobs. Le ratio de bizarres est plus élevé en radio qu'ailleurs. Ça, c'est un endroit où, dans mes préjugés, j'ai pas été surpris. C'est l'exception. Mais encore là, on est des bizarres avoués pour la plupart. On a comme pas le choix. Ouais, si vous êtes bizarre ici puis que vous sortez pas du garde-robe, vous êtes vraiment des chieux. On sort tout. Ça me fera pas écouter l'an 50. Mais je trouve que c'est important d'en jaser. Quand même un million de personnes qui le regardent, ça me surprend chaque fois. Ouais, puis je suis curieux de voir comment ça va être traité, si on va faire une grosse caricature avec ça. C'est la deuxième émission en pas longtemps où on fait des coming out. On l'a fait dans Galère il y a quelques semaines avec un adolescent qui a fait son coming out puis qui a été obligé de donner une volée à un petit gars qui l'écœurait à l'école. Fait qu'on est comme en train d'essayer de tester des affaires, je pense, à la TV. C'est pas ça, Jérôme, quand tu sous-entends que je dis pas ce que je pense. Non, ça vient me chercher profond. Ah, excuse-moi, Denis, je veux pas te faire de peine. Excuse-moi, Denis, je veux pas. C'est pas ça que je pense. C'est que je sais qu'on marche sur des œufs. Oui. Sais-tu quoi? Je peux pas le dire ce que je pense ce matin, OK? Je vais te le dire pendant la pause. Je suis frustré parce que ce que je pense, je peux plus le dire dans la radio du Québec en 2012. Je vais te le dire pendant la pause. Ouais. C'est pour ça que je rage en dedans et j'ai de la misère à m'obtenir. Je comprends très bien. Je suis en sacrement. Je comprends très bien le feeling. C'est ça la raison. Ouais. Je suis pas fâché contre toi, mais je suis fâché contre la situation. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, Jérôme? Tu sais très bien qu'on s'invente pas une opinion. Non, je sais. Mais c'est pas ton procès à toi que je fais. T'as le droit de le penser. Bon. Moi, c'est rien que ça que je te demande. C'est rien que ça que je demande à ma mère. Non, c'est pas ton procès à toi que je fais. Je fais le procès de la rectitude politique ambiante au Québec actuellement. Quand je me retrouve dans un sujet où je peux pas dire ce que je pense, je fais des grands détours pour pas en parler. Ouais. Parce que, justement, on le sait, on est d'une époque de rectitude politique au Québec. Faut faire attention à tout ce qu'on dit, puis on est devenu paranoïaque et avec raison. Il y a des gens qui veulent notre peau. Puis faut se défendre, on n'a pas le choix. Par contre, je m'inventerai pas une opinion pour faire beau, là. Non, je comprends. Pis je voulais pas insinuer ça, Denis, là. Mais je rage contre la situation. Où c'est de plus en plus difficile de dire ce qu'on pense, surtout quand il est question de ces sujets-là, Denis. On peut se lever avant la pause puis se faire une belle grosse la colle virile. Non, ça va être beau, les gars. Ouais. On a pas une tonne de circonstances, du journey, ou... Ah, t'as une belle moustache, Denis. C'est vrai, hein? Ah, t'as un beau pinch. Halloween. T'as un beau pinch, Denis. J'aime ton pin, je l'ai déjà vu dans certaines vidéos de musique. C'est Jérôme, Doom Murray qui prend une photo. On s'aime. Merci. Jérôme, vous voulez aller juste avec la main au début, mais il n'y a pas le choix d'embarquer dans l'accolade au Denis, complet. Denis, il n'a pas laissé le choix. Il a empoigné Jérôme. Let's hug it out, bitch. Vous êtes beau, hein? La pause, on revient. Le show du matin. J'en ai besoin. Pendant que Calinette s'affaire à nettoyer la fumée autour de Jérôme Landry. Oh, ça me choque, je suis frustré. Le pire, c'est que c'est moi qui s'est le plus fâché en ondes. Puis moi, c'est correct. Mais toi, t'es encore frustré, puis je le frustré vois, puis je le sens. Parce que je suis fâché contre la rectitude politique ambiante. Ouais. Puis toi, tu as comme senti que je t'attaquais. Parce que c'est toi qui es devant moi, puis c'est toi qui mange la merde à cause de ça, tu comprends-tu? Du fait qu'on peut plus rien dire sans se faire traiter de personne qui a des préjugés. J'ai compris ton point, puis c'est pour ça que je suis plus fâché. OK, tu comprends, là? Oh, oui. C'est ça. Puis je sais, je me sens de même plusieurs fois dans une semaine, quand t'as le goût de dire de quoi, mais que tu te retiens parce que tu sais que tout le monde va te varger dessus. C'est ça. Pis ces sujets-là, ben, tu sais, habituellement, c'est dur de faire de la radio qu'on fait quand t'es pas en parfait contrôle du sujet ou de l'émotion, parce que tu sais que tu vas te faire varger, fait que j'essaye de contourner ces sujets-là. Ces sujets-là sont les pires. Puis, tu sais, je m'imaginais, si je disais vraiment ce que je pense, je me ramasserais dans les pages de Patrick Lagacé, puis de Patrick, je sais ce qui va arriver. Ah oui. Encore. Fait que la fio me sort, puis c'est toi qui manges la merde dans ce temps-là. Ah. Mais tu mérites pas ça, de manger toute la merde de la société. Dans notre couple, je suis un homme battu. Quand est-ce que tu me laisses traîner avec un collier de métal, puis pendant que tu vas chercher du spaghetti? Ça va être correct. Des images d'horreur. Hey, Véro, on t'écoute. Vous avez jusqu'à vendredi pour devenir finaliste et peut-être éventuellement gagner votre ensemble de pneus complets Pirelli. C'est en collaboration avec Pneus Ratés et bien sûr Radio X. C'est simple, je vous pose une question, vous allez chercher la réponse sur le site de Pneus Ratés, puis vous envoyez ça et vos coordonnées à pneusratés@commercialradiox.com. C'est simple, en quelle année a été fondé Pneus Ratés? Fait que vous répondez à ça. Du bien, un peu de feu. C'est de plus en plus dur de en avoir dans la radio qu'on nous exige de faire. Je suis comme heureux, moi, de la dernière demi-heure. Ouais. Laisse Jérôme respirer. Je suis frustré d'être obligé de faire de la radio aseptisée depuis quelques années. T'sais. Puis c'est la plus belle job au monde, pareil. Là, comprends-moi bien, je me plains pas, mais dans des sujets comme ça, il y a une frustration qui m'envahit. Chacun ses sujets qui nous frustrent. Ouais. Mais moi, ça m'est arrivé il y a deux semaines. Puis la langue te tourne, puis les points te chauffent, puis tu dis dans ta tête, ferme ta gueule, tu vas te mettre dans le trouble. Le pire, c'est ce que vous vous retenez de dire dans ce temps-là, là. c'est vraiment pas dramatique, là. C'est parce qu'actuellement, on veut tellement détourner tout ce qu'il dit à Radio-X. Ouais, on a plus le droit. On a plus le droit de se plaindre non plus. Puis ça, des fois, on tombe dans le piège, mais on a accepté de le faire. On a accepté de jouer ces règles-là. Sans ça, on serait tous sur Internet, là. C'est ça. Quand on rentre ici le matin, c'est parce qu'on accepte les règles. Je les accepte. C'est ça. Il y a des fois, 95% du temps, moi, ça va bien. Mais là, avec des sujets comme ça, je vis mal avec les règles. Mais de façon globale, moi, j'ai bon espoir que le balancier va se replacer dans le milieu un peu. Là, on est dans l'extrême, là, du « faut faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait ». Mais là, vois-tu, ces règles-là commencent à varger ces humoristes un peu, là, puis varger sur d'autres mondes que Radio X. Puis là, whoop, les autres, ils vont se rendre compte de nous autres, ce qu'on fait depuis quelques années. Puis là, ils vont trouver ça moins drôle, puis ils vont trouver ça moins le fun. Avoir lu nos cartes d'humoristes, la conversation d'un matin sur les gays dans le sport est peut-être pas la même, là. Peut-être pas à la même à 100%. Peut-être pas. Je te le dis, là. Moi, je dis exactement la même chose. Moi aussi. La même chose. Pas moi. Même pas toi. Pas moi. Non. C'est pour ça que t'es fâché. Non. J'irais plus loin. J'irais plus loin si t'étais pas par crainte de me ramasser dans la page à Patrick Lagacé. Encore. Je m'excuse, mais c'est ça.